est de retour. Invité les 7 décembre, Saint-Jean-de-Port-Joli. 12 décembre, Almour. 13 décembre, les Escoumins. 14 décembre, Jonquière. 20 décembre, Frérichburg. 21 décembre, Terrebonne. 27 décembre, Québec. 28 décembre, Masquinongé. 30 décembre, Saint-Casimir. Les deux albums de karaté sont disponibles maintenant en magasin et en ligne. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, c'est votre magazine radiophonique consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. Nous sommes sur les ondes de CKRL 89.1, je m'appelle Jeantienne Lafrance et je suis encore accompagnée ce soir de Myriam Leland. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, Myriam, on est encore tout en entrevue, on en profite, on est deux. Ben oui, c'est ça. On a l'énergie, l'amour pour le faire et... surtout l'amour. Oui, surtout l'amour. L'amour de l'art, c'est ce qui mène le monde. L'amour l'une pour l'autre. On est comme ça. Et l'émission va débuter avec une entrevue avec Noël Wharton Hayé, qui présente l'exposition « Ici, le jardin » au Théâtre La Bordée. T'es allée voir ça tout à l'heure, là. Oui, il y a même pas une heure. Et le vernissage était hier, et l'artiste va pouvoir venir nous parler un peu plus en profondeur de ce projet, donc, qui est lié à la pièce de théâtre qui est en cours en ce moment, mais aussi qui a été faite en co-création avec des... Il y a plein de couches de fabrication et de sens dans cette œuvre-là. C'est magnifique. Ensuite, c'est... Annie-Charlotte Thibaudot, avec qui tu parles? Ah, j'avais tellement hâte. Je cacherai nullement mon amour pour Annie, qui est une ancienne de l'aérospatiale, chroniqueuse, qui revient d'une résidence en Slovénie. On a vraiment hâte de lui parler. Comme je disais à Jessica avant l'émission, le magazine l'aérospatiale se concentre à la ville de Québec, mais pour Annie, on fait une petite exception. Ah ben, mais quand les artistes de la ville de Québec exposent à l'extérieur, ça fait rayonner Québec. Oui, c'est ça. On en profite aussi pour parler de ce qui se passe ailleurs. Et ça va d'ailleurs être le cas en deuxième partie d'émission. Je vais recevoir Anne-Marie Proulx et Caroline Gagné qui exposent en ce moment à Strix à Birmingham. C'est une exposition qui est organisée suite à Manif d'art. Donc, il y a une sélection de trois œuvres qui ont été exposées à Manif d'art qui sont exposées à Birmingham, donc la ville où habite Jonathan Watkins, qui était le commissaire de la dernière édition. Mm-hmm. Donc, on va pouvoir parler de Terres éloquentes et de Le bruit des icebergs. Donc, deux œuvres très, très ancrées dans le territoire. Donc, ouais. On va en profiter pour en parler avec les artistes en deuxième partie d'émission. Puis pour l'instant, on se laisse pour une pause audio. C'est exact. Donc, ce soir, Simon Roy, fidèle à son habitude, nous fait découvrir quelque chose de merveilleux. C'est Wax Triptych, un trio composé de Genova 7, Mr. Woods et Mononome. C'est une trame trip-hop instrumentale, mais on peut aussi entendre des solo blues, des trompettes, des voix mélodiques, mélodieuses. On découvre ça ensemble. Donc, pour l'instant, on se laisse avec la piste The Chase et on se retrouve avec Noël Wharton Hayé de l'autre côté de la pause musicale. Re-bienvenue à l'aérospatial sur les ondes de CKRL, en studio, bien sûr, Gentilhomme La France, avec qui je co-anime. Et Noël Ouarton-Aillé. Bonjour. Donc, Noël, tu es ici pour parler de ton exposition, installation « Ici, le jardin », qui est au Théâtre Labordé. Donc, l'installation est présentée du 10 au 14 décembre, c'est bien exactement. Ça? Exactement, oui, c'est donc, ça. Donc, le vernissage était hier. Oui, c'était hier. C'était présenté juste avant la première de la pièce de théâtre « Ici », qui a été mise en scène par Nancy Bernier. Puis, il y a 8 comédiens qui nous racontent leur parcours. Ils sont tous des immigrants. Alors, c'est ça. C'était vraiment émouvant et touchant comme pièce. Oui, c'est ça. T'as été la voir, cette pièce-là. Oui, ouais, je l'ai vue après. Alors, ouais, c'était vraiment bon. Je suggère. Puis, étant donné que t'as vu cette pièce-là après, mais que ton installation est liée à cette pièce-là. Comment est-ce que tu as travaillé pour élaborer? Parce qu'on ne se douterait pas que tu ne l'avais pas vue avant de créer l'œuvre, parce que c'est tellement lié. Oui. Je suis curieuse de savoir ton processus. Alors, en fait, c'était un projet de médiation culturelle qui a été mis sur pied par le Théâtre Labordé, Engram et le Carrefour d'action interculturelle. Alors, c'était un projet que j'avais fait avec 4 participants, 4 gens qui habitent maintenant à Québec, mais qui viennent d'ailleurs. Alors, ils sont tous dans la dernière année, ils sont tous immigrés ici à Québec. On a procédé par des petits ateliers. Alors, on avait fait 4 ateliers ensemble. Le premier, c'était vraiment un atelier de discussion, partager sur notre parcours. Comme moi aussi, je viens pas de Québec, je viens de Toronto. Oui, mais, c'est ça. Alors, j'avais déjà fait une petite migration de l'Ontario, mais mes deux parents sont des immigrants. Alors, c'est un sujet avec lequel je suis assez familière, puis ça me tient vraiment au cœur. Mm-hmm. Alors, c'est ça. On avait un premier atelier de partage. Ensuite, on a procédé avec un atelier de dessin. C'était 2 heures de dessin. Tout le monde a amené des photographies ou des souvenirs qui se rappelaient de leur enfance ou leur vie, d'où ils venaient. Ça devait être un beau moment de partage. Oui, puis la thématique du projet était le jardin, la nature. Oui. Comme je voyais vraiment comme un espace hybride, un espace entre deux, entre la culture et la nature, un espace de transition, en fait, qui est un petit peu comme cette expérience d'immigration. Ouais. On est entre deux pays, entre deux langues, entre deux paysages, deux espaces. Alors, c'est ça. Je voulais utiliser cet espace comme pour réfléchir sur le parcours de chacun, puis aussi leur expérience de la nature, puis comment ça a changé en déménageant. Parce qu'il y a un sentiment d'appartenance à la nature. Exact. Oui, c'est quand ça. Je sais que personnellement, quand j'aménage en quelque part, quand je finis par faire mon petit jardin de balcon, c'est là que je me sens chez nous. Oui. Puis souvent, quand on est habitué de faire de la cuisine maison avec des fines herbes, c'est ça. C'est là qu'on va retrouver c'est nos ça. Racines. Exact, aussi. C'est là où on partage les plats traditionnels, la culture se transmet par la nourriture. Puis j'étais aussi inspirée par les photos familiales de ma mère puis mes grands-parents aussi. T'en avais amené toi aussi oui. Alors après cet atelier de dessin, on a fait 2 ateliers de sérigraphie chez Engram. Alors avec les dessins que les participants ont fait, j'avais fait des montages en Photoshop. Alors ça, c'est avec ces montages numériques qu'on a fait les soies de sérigraphie. Donc les estampes, ce sont des dessins que les participants ont fait? Oui, mais je l'ai pas trop changé, en fait. J'avais juste répété les formes, les feuilles, les éléments qui étaient dans leur dessin. Wow. En Photoshop, puis c'est ces images-là que j'ai utilisées pour faire les soies de sérigraphie, puis c'est ça qu'on a imprimé. Alors, on avait 2 ateliers de sérigraphie. Ils étaient vraiment bons, là, qu'ils imprimaient. J'étais vraiment impressionnée avec le travail qu'ils ont fait. Mon visage surpris parce que tu me disais, hors d'onde, que ces personnes-là ont aucun background en art. Non, des gens peut-être qui faisaient des choses chez eux. Ouais. comme pour le fun, mais vraiment, c'était, ils savaient pas la sérigraphie avant, ils connaissaient pas ça. Mais les motifs sont magnifiques, par contre. Puis, c'est pour ça que ça m'étonne. Ouais, c'était eux autres qui ont choisi les couleurs aussi. Oh, wow. Alors, c'est ça. Puis ensuite, après cette dernière rencontre avec eux, j'avais pris toutes les impressions, puis j'avais fait des collages d'autres grands formats. Mm-hmm. Alors, il y en a 3 qui sont installés à la bordée. Puis il y a aussi leurs dessins originaux qui sont installés dans les espaces, dans l'espace escalier. Alors, c'est ça. Wow! Est-ce que c'est la première fois que tu faisais un projet de co-création, de création communautaire comme ça? Ça fait partie de ta pratique? Ça fait pas nécessairement partie de ma pratique normalement, mais je travaille chez Angram comme chef d'atelier, puis c'est pas le premier projet de médiation culturelle que j'ai fait. J'avais déjà fait des projets dans les écoles puis dans les garderies, mais c'était la première fois que c'était comme plus d'une rencontre, puis il y avait vraiment une expo à la fin. Puis c'était vraiment le fun à voir les participants se laisser aller dans cette technique-là. Puis, j'ai une grosse question pour toi. Comment tu penses que ça peut impacter ta pratique, une création communautaire comme ça? Est-ce que tu commences déjà à voir des relents un peu de ça dans d'autres projets sur lesquels tu travailles? Je l'avais dit que c'était une grosse question. Oui, c'est quand même une grosse question. Mais je viens de finir cela, alors je prends une petite pause avant. Je trouve que c'est quelque chose. Oui, vraiment. Puis juste de voir les gens qui n'ont jamais fait ça, de se laisser aller dans la technique, c'était vraiment inspirant. Puis qu'est-ce que tu as pensé de voir la pièce hier, justement, en gardant en tête tout ce que tu as réussi à créer avec des personnes qui n'avaient pas non plus vu la pièce, si je comprends bien. Non, c'est ça. Moi, j'avais pas vu la pièce avant, puis les participants non plus. Je trouve... même si on vient un petit peu de partout, les gens qui ont immigré ici, c'est comme un parcours qui se reflète. C'est toujours... Ouais. Un petit peu pareil pour tout le monde. On peut s'identifier. C'est ça, exactement. Puis, puis c'est quelque chose qui, même si ça fait 10 ans ou 5 ans qu'on a déménagé, il y a toujours quelque chose... on est toujours un petit peu entre deux, là. Alors, Puis même quand c'est pas nous-mêmes qui avons déménagé, par exemple, c'est dans ça, ton cas, exactement, avec pour des mes parents. Oui, c'est ça. C'est ça. On a toujours cette nostalgie-là, puis notre enfance est bercée c'est par ça. Cette culture-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Oh, ouais. C'est quelque chose... Dont tu as discuté avec les participants. Oui, c'est ça. Pendant cette première atelier de discussion, on a vraiment partagé toute cette expérience-là de faire les vies à nouveau, mais aussi de prendre le temps de réfléchir sur ce qu'on avait ailleurs. Ouais. Mais merci beaucoup, Noëlle Wharton-Ayer, ou Aillé. On en discutait. Aillé à la Suisse, Ayer, avec ton accent torontois. Ça dépend de quel parent qui le prononce. Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup, Noëlle, d'avoir été avec nous en studio. Donc, je le répète, c'est l'œuvre Ici, le jardin. C'est présenté au Théâtre Labordé du 10 au 14 décembre, en même temps que la pièce de théâtre qui s'intitule Ici. Oui. Merci encore. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Pour l'instant, on se laisse à nouveau pour une autre pause audio. C'est toujours le groupe Wax Triptych qui nous divertit ce soir. Donc, on se laisse pour la piste Moonlight Vibe. Puis, on se retrouve de l'autre côté de la pause audio avec Annie Charland-Thibodeau. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à l'Aérospatial, magazine sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. On est en studio toujours avec la magnifique Gentiane Lafrance à la co-animation. Bonsoir, magnifique Myriam Leland. Oh, merci. Et bonsoir, magnifique Annie-Charlotte Thibodeau. Oui, qui est habituée au micro de l'Aérospatial. Oui, c'est un petit moment que je t'ai pas passé. Oui, mais oui, ça t'a fait des chroniques pendant une couple d'années quand même à l'Aérospatial. Oui, oui. Toujours des belles chroniques, bien écrites avec une belle plume. Oui, toujours. Donc, Annie, on t'a invité ce soir ici, ben, premièrement parce qu'on avait envie de te voir, parce que tu reviens de Slovénie. Oui, tout juste. Ça fait pas très longtemps. Ouais, j'étais partie un petit 5 semaines pour. Petit 5 semaines. Ben, juste ça passe tellement vite. Ouais. Ouais, c'était une courte résidence. Ouais. Puis, sur quel projet tu as travaillé? Est-ce que tu avais quelque chose en tête déjà en partant là-bas? Non, en fait, c'est ça qui m'a plu beaucoup. Puis, c'est de cette façon-là que je choisis les programmes de résidence dans lesquels auxquels je veux participer, en fait. C'est que je vais beaucoup par le format, déjà en partant. Puis là, comme j'avais travaillé, en fait, j'avais passé l'été à travailler sur mon premier concours d'art public. Puis merci. Donc, c'était beaucoup de préparatifs. Puis là, j'avais envie d'une formule qui était plus spontanée. Mm-hmm. Donc là, je cherchais un programme de résidence qui venait avec une portion production puis diffusion. Pour me lancer, c'est ça, dans quelque chose d'un petit peu plus spontané. Puis je suis tombée sur ce programme de résidence-là en Slovénie. Puis justement, tout ce qu'on avait à soumettre, en fait, c'était le nécessaire là, pour qu'on apprenne à connaître notre pratique, mm-hmm. notre curriculum vitae, ces choses-là. Mais on n'avait pas de proposition de projet comme telle à soumettre. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup attirée. Wow! Ouais. Donc il y a une grande liberté. Ben oui, tout à fait. Donc, tu t'es comme imprégnée un peu du territoire, j'imagine? Oui, ben oui. Puis, c'est ça, en fait, en me mettant à chercher aussi sur la Slovénie, parce que je connaissais pas très bien le pays non plus avant d'y aller, j'ai découvert des artistes qui étaient très inspirants, puis qui avaient des préoccupations qui recoupaient un petit peu les miennes. Donc, mm-hmm. ça aussi, ça m'a donné davantage envie d'y aller. Il y a entre autres un collectif, le collectif Oro, qui s'inscrit dans un mouvement, en fait, artistique du même nom, qui questionnait beaucoup la hiérarchie entre le sujet puis l'objet dans l'œuvre d'art, puis qui visait plutôt des propositions plus horizontales, en incluant mm-hmm. toujours l'idée du rituel. Et je vois que tu tisses un peu de lien dans oui, oui, ton oui, esprit, je vois ça dans ton regard étincelant. Un tout petit peu ta pratique. Oui, c'est juste un petit peu. Juste un peu. Oui, donc ça m'a attiré beaucoup aussi. Puis j'avais envie de découvrir donc davantage mm-hmm. la culture artistique, la scène artistique là-bas. Mais en arrivant, donc non, j'avais pas en fait en tête un projet en particulier. J'avais pas de matériaux non plus. Puis c'est intéressant parce que ça fait ressurgir un petit peu un projet que j'avais amorcé à l'hiver 2017, mais que j'avais laissé un petit peu sur la glace. Okay. Puis qui n'a jamais été vraiment diffusé. C'était vraiment une amorce de projet, puis c'est resté de côté depuis. Puis pour faire une histoire courte, en gros, c'est que je m'étais... la pierre est très présente dans ma pratique artistique, ouais. Beaucoup dans un travail de collection, puis de transformation d'éléments naturels. Puis ce qui m'amène tranquillement à m'intéresser aussi aux carrières de pierre. Oui. J'avais trouvé, en fait, en fouillant sur des cartes satellites du Québec, j'avais trouvé une carrière abandonnée dans le coin de Rivière-à-Pierre. Puis j'étais allée sur place, en fait, faire une intervention artistique archivée en photo et tout ça. Puis il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup dans ce projet-là que j'avais pas tout à fait développé. Donc, en arrivant en Slovénie, dès que je me suis installée en atelier, après avoir passé, c'est inévitablement une bonne semaine là, à me promener. Oui, puis c'est ça, plutôt faire de l'exploration, puis voir... oui, c'est ça, voir un peu les environs. Ben, je me suis mis à faire ce même type d'exercice-là, donc avec la carte satellite de la Slovénie. Puis... je suis arrivée rapidement sur une grande marque blanche grisâtre dans le territoire foisonnant du sud-ouest, dans la ville de Sejana. Donc, vraiment une grosse marque là, qui venait s'inscrire dans l'espace foisonnant forestier. Donc, en creusant davantage, en fouillant un petit peu, j'ai réussi à entrer en contact avec une géologue de l'équipe, en fait, qui travaille sur le site de cette carrière de pierre-là, puis à faire une visite du lieu. Donc ça a été aussi, ça a été assez intéressant pour moi, puis ça m'a permis d'approfondir mon rapport à ces lieux-là où, en bout de ligne, l'idée du gouffre matériel, l'idée de l'absence, ouais, devient une forme de présence en soi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a permis d'approfondir un petit peu des notions que j'avais abordées, puis que j'avais laissées de côté. C'est avec quelque chose que tu revisites aussi avec la collection, puisque tu enlèves des objets de leur endroit naturel, si on peut dire. Donc, ce gouffre-là, cette absence-là se retrouve un peu dans tes œuvres, justement, puisque tu dénatures un peu des objets. Mais il y a toutes ces idées-là, oui, qui viennent un petit peu se recouper, puis qui m'a servi beaucoup, là, oui, dans le cadre de ce projet-là. Puis... c'était intéressant, en fait, parce que le centre qui me reçoit, c'est un centre d'artistes qui s'appelle De Bravaga, qui est un centre très dynamique, qui présente autant cette portion-là de résidence d'artistes, d'accueillir des artistes d'un peu partout, mais qui fait aussi de la diffusion, puis qui est aussi toute une section zine qui est très importante, des livres d'artistes en consultation, puis tout ça, donc ça bouge beaucoup. Mais les espaces sont très petits. C'est aménagé vraiment au centre-ville. Donc, l'espace de diffusion aussi était très intéressant pour moi parce que c'est une salle qui était assez petite, assez longiligne. Tu es habituée de travailler dans des grands espaces, même les titres de tes œuvres, les étendues, par exemple, ça parle beaucoup de vaste, justement. Donc là, ça vient un peu... choquée habituée. Oui, puis j'ai trouvé ça super intéressant, donc j'ai décidé de venir, recouper un peu toutes ces idées-là, l'expérience de la carrière aussi, qu'est-ce que j'en ai sorti, qu'est-ce que j'ai réussi à approfondir à partir de là, puis de créer en bout de ligne une intervention dans cet espace de diffusion-là qui, vu la taille, en fait, ça me permettait de faire une intervention qui envahit presque tout l'espace, oui, qui limite un peu notre accès à cet objet-là. Mm-hmm. Oui, il faut comme longer, selon les photos que tu m'as envoyées, on dirait qu'il faut comme longer ton installation dans la petite pièce, donc on peut pas tourner autour librement comme on a l'habitude avec tes autres œuvres. Oui, c'est ça change complètement le rapport, puis ça me permettait d'explorer quelque chose aussi, une forme qui, en bout de ligne, s'étend un peu plus en élévation, oui, puis qui change notre rapport à cet espace-là, puis qui vient travailler l'idée justement de l'absence du vide qui nous renvoie un peu à nous-mêmes en même temps, cette dynamique-là, en fait, là, d'écho puis d'aller-retour, donc d'un peu de se sentir regardé par cette absence-là. Oui, notre rapport au paysage aussi, justement. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'avec les photos que tu m'as envoyées, on s'est parlé un petit peu de ton projet sur lequel tu as travaillé cet été, justement. Oui. Puis tu as l'habitude de travailler beaucoup avec... Du bois traité, du linoléum noir majoritairement, des roches. Puis là, pour ton projet cet été, tu as exploré un nouveau matériau qui est le marbre. Oui. Puis dans ton intervention en Slovénie, à la fin de ta résidence, ton linoléum est imprimé marbre aussi. Je trouvais ça super intéressant de voir ton évolution, l'évolution de ta pratique, en fait. Oui, ben c'est ça, comment le travail avec en bout de ligne, le projet d'art public est venu lui aussi avoir comme une forme d'écho, là, puis influencer un petit peu l'avenue que j'ai choisie pour le travail en Slovénie, oui. Oui, puis tu parlais de ce que tu as pu retirer de tes visites à la carrière. C'était une seule carrière que tu as visitée ou plusieurs? Deux, en fait, c'est ça. C'était vraiment, c'était très sympathique, là, c'est ça, la géologue m'a juste dit, en fait, prends-toi un billet de train, puis je vais te chercher à la gare. Wow. Très sympathique. Puis on est allé faire la tournée ensemble, puis on a visité, en fait, deux carrières de calcaire gris. On a une carrière à ciel ouvert, puis une carrière souterraine. Donc, ça aussi, c'est venu quand même nourrir un petit peu l'imaginaire, là. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en as retiré de cette visite-là, ces visites-là, en fait? Oui, ben c'est sûr qu'il y a encore des choses qui sont à travailler. Comme j'ai tout juste de revenir, il y a beaucoup de choses qui, comme je dis, c'est beaucoup... c'était ce qui m'intéressait, c'était vraiment le travail spontané, puis sur le terrain. Donc, j'ai l'impression que là-bas, c'est plutôt des amorces de projets, puis mm-hmm. c'est une proposition, c'est ça qui est assez rapide, assez spontané, mais je pense que ça va continuer de faire écho puis de déboucher sur des projets à venir. Oui. Bien, merci beaucoup, Annie-Charlène Thibodeau, d'être venue nous voir en studio. Merci à vous. C'est très intéressant d'entendre ton récit de résidence, en espérant te revoir bientôt pour d'autres projets peut-être, mais prends le temps d'arriver de ta résidence quand même. Pour nous, on se laisse pour une pause de publicité, puis on se retrouve l'autre côté de la pause avec Gentillane qui conduira l'entrevue avec deux personnes très intéressantes, Anne-Marie Proux et Caroline Gagné. 89.1. C'est KRL. Québec. Vous souhaitez offrir un cadeau local et original? En plus de leurs services d'encadrement et d'impression, les trafiquants d'art proposent une vaste sélection d'œuvres d'artistes internationaux et québécois, tels que Fred Jourdain, Félix Girard, Dréa Collage, Mathilde Saint-Mars et plus encore. Affiches seules ou encadrées pour tous les budgets. Vous êtes incapable de faire un choix? Pas de problème! Les trafiquants d'art offrent aussi des certificats cadeaux. Laissez la chance à votre proche d'explorer notre inventaire. Pour Noël, rendez-vous au Trafiquants d'art, 3e Avenue, à Limoilou. Dans le numéro d'automne de Nuit Blanche, le livre jamais lu du poète Michel Plot. Assis sur ma galerie du quartier Saint-Jean-Baptiste, j'ai une superbe vue sur les Laurentides. Montagne, je vous écoute. La poète Ilnou Marie-André Gill et Je suis une maudite sauvagesse. Vivre ce paradoxe m'est souvent insupportable, mais je continue quand même pour la seule raison que je suis née dans ce monde. À découvrir, entre autres, une entrevue avec Caroline Georges, Notre-Dame littéraire, parole vivante. Abonnez-vous, nuitblanche.com. Vous semblez pas comprendre à quel point la situation dégénère rapidement. On s'en fout, on veut des résultats. J'ai mis 60 000 $ pour la propriété et là, je me fais dire qu'il n'y a plus rien à faire avec la bâtisse. Écoutez-moi, vous devez partir. C'est un nouvel écosystème qui gruge vos murs. C'est un peu comme si les algues se préparaient au pire. Comme si elles savent qu'on va bientôt être plongé dans le noir. Du 10 au 15 décembre, le Conservatoire d'art dramatique de Québec présente La Fosse des Mariannes, une création des finissantes et finissants dans une mise en scène d'Olivier Normand au Théâtre du Conservatoire. Réservation au 418-643-9833. Le 19 décembre, au Grand Théâtre, assistez à la toute dernière représentation du spectacle « Viens avec moi » des Hôtesses d'Hilaire. Cet opéra rock déjanté, sur fond de rock psychédélique, influencé par la musique des années 70, est une épopée rocambolesque, avec pas moins de 13 personnes sur scène. Voyez Les Hôtesses d'Hilaire, le 19 décembre, au Grand Théâtre de Québec. La tournée de la veillée des fêtes de Caroté est de retour. Invitez les chers. 7 décembre, Saint-Jean-de-Port-Joli. 12 décembre, Almour. 13 décembre, les Escoumins. 14 décembre, Jonquière. 20 décembre, Frérichburg. 21 décembre, Terrebonne. 27 décembre, Québec. 28 décembre, Masquinongé. 30 décembre, Saint-Casimir. Les deux albums de Caroté sont disponibles maintenant en magasin et en ligne. De retour à l'aérospatiale et Gentiane La France au micro et on a avec nous en studio Anne-Marie Proulx, bonsoir. Bonsoir. Et Caroline Gagné, bonsoir Caroline. Allô. Et on vous a invité parce que dans la poursuite de Manif d'art, il y a une exposition qui a été organisée à Birmingham. On riait parce que ça peut sonner comme Buckingham. C'est pas le même lieu. à Birmingham. Et c'est donc une exposition qui regroupe une œuvre de Caroline, d'Anne-Marie Proulx et de Nadia Mir. Cette sélection-là, j'imagine qu'elle a été faite par le commissaire Jonathan Watkins. Comment ça fonctionnait pour la sélection, sachez-vous? Je pense effectivement que ouais. C'est un dialogue toujours avec le commissaire, oui. Claude Bélanger. Okay. Je pense que plusieurs personnes ont participé. Okay. Les deux directrices de la galerie étaient venues l'année dernière pendant la manif d'art en février, fait qu'elles avaient vu les œuvres aussi. Donc, c'est vraiment une décision qui se fait de manière consensuelle avec plusieurs personnes qui participent, j'imagine. Il faudrait leur ouais. demander. Nous, on a été invités. Oui, on avait... c'est intéressant parce que il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres qui était présenté à Manif d'art. Et là, on a cette sélection-là qui est quand même un très, très beau dialogue qui s'installe entre ces œuvres-là. Mais d'abord, on va commencer par parler des œuvres. Je suis un peu rouillée pour les entrevues. Anne-Marie Proulx, l'œuvre qui est présentée, c'est Terres éloquentes. Mm-hmm. C'est une œuvre qui avait été présentée ici à Manif d'art à la Maison de la littérature. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Terres éloquentes? Oui, ben en fait, Terres éloquentes, ça fait partie d'une plus grande démarche autour de la relation avec le territoire, d'une amitié aussi, une amitié inou-québécoise. Donc, c'est né d'une amitié avec Mathias, Marc, à Pakwashipi. Qui, au fil du temps, m'a communiqué beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements sur le territoire, sur la nature, la relation avec la nature. Puis, de là, est né le projet Terres éloquentes, c'est-à-dire un parcours dans le territoire qui commençait par une ouverture de la tente nous menant vers le territoire, qui ensuite se continuait dans des photos de sentiers ou de l'évocation d'une recherche de quelque chose dans la forêt et se terminait à l'intérieur du territoire, dans la tente, où là, on échangeait une conversation. Donc, les mots de Mathias venaient... rencontrer les images dans l'exposition. Et le parcours que tu nous expliques ici, c'est ce qui se passait à la Maison de la littérature. Oui, c'est ça. Et à Strix, la configuration est différente. Est-ce que tu peux nous parler de la traduction, ben pas de la traduction, mais des changements qui ont été apportés à l'installation, puis en quoi ça change un peu le parcours que tu nous invites à faire dans l'œuvre? Oui, ben en fait, la Maison de la littérature, l'exposition était vraiment en trois lieux. Il y avait une œuvre à l'extérieur, il y avait une œuvre qui était dans un lieu de passage, puis ensuite, il y avait une œuvre dans la galerie. Ben il y avait plusieurs œuvres dans la galerie. Et tandis qu'à Strix, c'est une exposition collective, on avait un grand espace qu'on s'est partagé en trois. Puis, donc, l'espace que moi, j'occupais avec cette œuvre-là était beaucoup plus petite que ce que j'ai présenté à la Maison de la littérature. Donc, je l'ai pensé différemment pour cet espace-là, mais j'avais quand même envie qu'on sente l'idée d'un parcours, d'entrer dans la forêt, puis de se rendre jusqu'à la tente, là où on échangeait les mots. Donc, il y avait quand même la volonté d'intégrer les mêmes éléments. Évidemment, je pouvais pas tout inclure dans cette exposition-là. Donc, je suis partie d'œuvres qui étaient présentées à la Maison de la littérature, mais j'en ai coupé même des bouts. Donc, j'ai des œuvres qui étaient plus grandes, dont j'ai coupé des fragments pour créer un nouveau parcours avec les mêmes images. Et Caroline Gagné, l'œuvre qui a été choisie, qui est présentée à Strix à Birmingham, c'est Le bruit des icebergs. Cette œuvre-là, ça fait longtemps que tu travailles là-dessus. Où est-ce que ça a commencé? Où est-ce que ça a émergé l'idée de cette œuvre-là? Alors, c'est vrai que ça fait, je pense que c'est 2014 j'ai commencé à travailler sur ce projet-là, mais ça a été présenté pour la première fois lors de l'événement Espace Immédiat à Sherbrooke, donc un événement à Sporobol. Par hasard, j'avais entendu une entrevue sur YouTube qui avait été faite par les rencontres de la photographie en Gaspésie avec Jocelyne Alloucherie qui parlait d'un projet où elle-même était allée voir des icebergs. Et c'était un petit entretien qui durait peut-être 2 minutes dans lequel elle parlait de son expérience de s'approcher des icebergs. Et ce qui m'a étonnée, c'est que Jocelyne Alloucherie, on sait, est sculpteur, elle fait des installations, mais elle est photographe. Oui. Puis pendant une longue proportion, elle parlait du son des icebergs, de ce qui l'avait impressionné de cette présence immense et des ruissellements de l'eau, des petits craquements, tout ça. J'imagine qu'elle a été témoin peut-être des moments particuliers à ce niveau-là. Puis comme moi, je suis très sensible au son puis aux espaces, donc, parce que quand on parle de son, on parle toujours d'espace, et que dans ma pratique, je suis très attirée par des lieux comme ça, immenses. Tout de suite, d'une certaine façon, c'est aussi une conversation, peut-être, pour reprendre les mots d'Anne-Marie. Oui. Parce que j'ai eu le goût de... Je me suis dit, ben je vais y aller, je vais enregistrer les sons. Je vais faire un projet à partir des sons. Donc ça a commencé comme ça par un voyage à la découverte des icebergs. Donc toi, tu t'es rendu jusque dans le nord de Terre-Neuve, là. Exactement. Donc j'avais préparé 2 semaines de voyage à Terre-Neuve dans le coin de Saint-Anthony. Donc c'est vraiment à la pointe nord-ouest, mm-hmm. pas loin de. Il y a un lieu qui est assez connu dans ce coin-là, Lance-aux-Meadows. Okay. Où il y a un site archéologique là, mm-hmm. de vikings. On les voit dans nos livres d'histoire. Oui, hein? Exactement. Puis j'avais choisi ce lieu-là parce que il y a un festival, en fait, des icebergs au mois de juin. Mais je me disais, il doit sûrement en avoir beaucoup. Puis j'ai prévu 2 semaines en me disant, on ne sait pas, c'est la nature. Tout d'un coup, il pleut ou il fait du brouillard pendant 2 semaines. Et il y a plu, il y a eu du brouillard pendant presque 2 semaines. Donc, c'est dans les derniers jours que j'ai pu sortir sur l'eau en bateau pour faire des enregistrements. Anne-Marie Proulx, c'est également des voyages former ce projet-là, qui est un projet aussi qui dure depuis longtemps. Mm-hmm. Parce que Terres éloquentes, c'est comme un fragment, si on veut, d'un ensemble de projets qui est autour c'est de... C'est un peu comme un iceberg. Oui. Donc, toi, ton iceberg à toi, c'est la communauté de Pakwashipi. Ben oui, puis en fait, en écoutant Caroline, ce qui m'est venu en tête aussi, c'est que finalement, on a exploré un territoire géographique qui est assez proche, parce que la Basse-Côte-Nord est pas très loin du nord de Terre-Neuve, puis il y a des icebergs qui viennent de ce coin-là, qui passent par le détroit de Belle-Île, puis qui se rendent jusqu'en Basse-Côte-Nord. Donc, il y a quand même un parcours là aussi. Puis dans l'exposition, on le sentait, ce rapport-là de passer de la mer à la terre. Mm-hmm. Tout à fait. Je pense que aussi pour Jonathan, comme sa thématique de la manif, c'était beaucoup lié justement à cette perception du territoire, du paysage. C'est vrai que, comme dit Anne-Marie, ça permettant un parcours dans la galerie en tant que telle. Bien, on va prendre une petite pause musicale avec Private Eye et on va continuer à parler plus de la façon dont ces œuvres s'inscrivent dans la galerie Strix à Birmingham. toujours à l'aérospatiale, avec nous en studio Caroline Gagné et Anne-Marie Proulx, et on parle de votre exposition que vous avez à Strix, à Birmingham. Donc, on parlait de cette œuvre Terres éloquentes et de l'œuvre Le bruit des icebergs, qui sont exposées ensemble avec l'œuvre de Nadia Amir, dont je ne me souviens plus du nom. Oui, avec l'œuvre de Nadia Amir. Et puis c'est intéressant parce qu'il y a, un article qui est sorti aujourd'hui d'Emily Scarrott qui parlait un peu de son expérience de désinstallation, un peu comme un parcours. Et avant la pause musicale, on parlait aussi de cette mobilité qui est présente dans vos pratiques. Pour elle faisait un peu ce parcours de manière métaphorique, tu le disais, Anne-Marie Proulx, mais vous déplacez comme ça vers le nord, c'est vraiment comme une espèce d'expérience qui est comme transposée dans la galerie, hein, en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la façon dont les œuvres conversent dans la galerie, comment elles sont disposées les unes par rapport aux autres? Oui. Anne-Marie, oui? Oui. Ben, en fait, quand on entre dans la galerie, la première œuvre qu'on entend, je pourrais dire, c'est celle de Caroline, parce que, comme l'article en parlait aussi, c'est qu'on l'entend en s'en venant. Donc, dans le fond, on l'entend avant de la voir. Mm-hmm. Puis, on entre par le dos de l'œuvre, si on peut dire. On la voit pas complètement encore, l'iceberg, il est pas visible quand on arrive dans la galerie. Mais quand on entre dans l'œuvre, ben, on suit le son, puis on se retrouve entre l'iceberg et le son qu'il fait. En tout cas, je sais pas si j'en parle comme il faut, Caroline. Mais pour moi, en fait, c'est comme ça. Le début de l'exposition se passe beaucoup comme ça. Et puis, est-ce que c'était important pour toi, Caroline, de le présenter de cette manière-là, qu'on ne voit pas l'iceberg tout de suite, ou c'est vraiment juste un jeu de circonstances? C'est un projet qui est tout articulé sur l'expérience que j'ai vécue. Donc, moi, dans une barque, mm-hmm. sur l'eau, non loin d'un iceberg qui flotte aussi, il y a la houle de l'eau. Donc, les déplacements des objets par rapport aux autres objets du visiteur qui circule dans l'installation, tout ça a son importance. Par exemple, comme Anne-Marie le soulignait, depuis la cage d'escalier, quand on entre dans l'immeuble, on entend l'eau, le ruissellement, les petits craquements. Déjà, pour moi, ça fait partie de l'expérience artistique. Mm-hmm. Quand on arrive dans la galerie, les éléments de l'installation sont disposés pour que la projection vidéo, on la voit pas, effectivement, sauf qu'on voit son reflet dans un verre qui est suspendu, sur lequel il y a des petits haut-parleurs, puis que même à certains moments, avec les basses fréquences, le verre se met à trembler. Donc, c'est l'image, c'est le reflet de l'iceberg qu'on voit trembler depuis l'espace de l'entrée de la galerie, en fait. Le verre tremble, mais l'image de la projection a quelque chose de tremblant aussi. Aussi, à cause qu'on est sur l'eau. Finalement. Oui. Donc, tout ce côté-là de instable, je pense que se manifeste dans chaque partie de l'œuvre. Puis, ben, moi, ce que ça m'avait évoqué aussi quand j'avais fait l'expérience de l'œuvre ici au Musée national des beaux-arts du Québec l'année dernière, c'est aussi, ça vient nous faire vivre une espèce d'expérience de fragilité. Oui, possiblement. En fait, je pense qu'il y a dans cet élément-là, qui est presque iconographique, où maintenant, un iceberg, il y a les deux aussi. Il y a le côté, c'est une sorte de puissance, parce que l'eau de la mer, déjà, ensuite, c'est gigantesque. Puis il y a le côté qu'on sait, c'est que c'est éphémère. Donc, un iceberg, ça prend entre un mois et demi à 3-4 mois pour fondre complètement. Donc, il y a son idée de disparition. Dans la vidéo, on voit un oiseau aussi, qui traverse l'écran, oui. Mais que tout est un peu, comme tu dis, je pense que tous les éléments sont réunis pour que les visiteurs puissent expérimenter les deux, en fait, à la fois le côté fragile et Et le côté massif, immense, fort, difficile à appréhender, sublime, là, on peut le dire. Moi, je dis toujours immémorial. Josiane Roberge, qui m'accompagnait à Terre-Neuve, rirait parce que elle se payait un peu ma tête parce que je disais toujours « Ah, oh, c'est le temps immémorial! » Mais à Terre-Neuve, j'imagine en Basse-Côte-Nord, c'est un peu ça aussi. Tout est un peu comme ça, brut, des rochers, les herbes, les arbres sont... plus petit format pour le même... enfin, il y a un peu de ça, de ce sentiment-là du temps. Donc l'installation, elle, était circonscrite dans un petit espace de la galerie qui était, lui, déjà... les murs, le plafond étaient tous gris foncé. Donc, pour ce qui est du reflet sur le verre, ça accentuait même... Mais c'est vrai que depuis l'espace central de la galerie, avant d'arriver à l'œuvre de Nadia puis celle de Anne-Marie, ben on avait quand même les sons qui nous rejoignaient jusque-là. Ouais. Et est-ce que les sons se rendent jusque dans l'installation de Terres éloquentes, Anne-Marie Proulx? Est-ce que les sons ils sont comme ça dans toute la galerie? Mais en partie, en fait, parce que il y a des sons dans l'œuvre de Caroline, puis il y a aussi le son de la conversation dans Terres éloquentes. Oui. Qui est à l'autre côté de la galerie, puis qui n'est pas avec des écouteurs. C'est vraiment dans l'espace. Il est complètement diffusé dans l'espace. Oui, mais c'est assez discret. Donc, si on est dans Terres éloquentes, on n'entend pas le bruit des icebergs et vice-versa. Mais au milieu de la galerie, les deux se rencontrent. Donc ça, puis il y a différents jeux comme ça qui se passent aussi parce que quand on est dans l'œuvre de Caroline, c'est là qu'on voit mieux le reste de la suite de l'exposition. Puis même si l'œuvre de Nadia est entre nous deux, on dirait que le passage se fait plus naturellement vers Terres éloquentes pour ensuite aller voir l'œuvre de Nadia. Mais il y a aussi une photo qui a été placée sur un mur près du titre de l'exposition avec le texte. Une photo que moi j'ai prise au campement à Pacuachipi. Sur la vitre, il se faisait un reflet où on voyait à certains endroits les conversations qu'il y a dans l'œuvre de Nadia. Donc, c'est une œuvre qui est autour de la conversation. C'est une photo aussi où c'est l'ombre d'une montagne sur une autre montagne qui fait la forme d'une bouche. Ouais. Puis, sur cette image-là, on pouvait voir les personnes qui discutent dans l'œuvre de Nadia. Donc, il y avait des beaux liens qui se créaient comme ça là, dans la salle d'exposition. Donc, cette photographie-là ne faisait pas partie de l'exposition à la Maison de la littérature. Non. T'as ajouté des photographies, t'en as retiré aussi, je pense, pour l'installation Astrix de Terres éloquentes. Oui, mais en fait, c'est qu'une exposition, pour moi, c'est pas c'est pas une œuvre finie, c'est un moment, c'est des œuvres qui dialoguent. Donc, cette photo-là, même si elle faisait pas partie de Terres éloquentes, elle faisait partie d'une autre exposition, ça fait partie du même univers. Puis, étant donné qu'on parle de relations avec le territoire, de campement, de tente, de conversation, cette photographie-là elle fonctionne très bien avec Terres éloquentes. Donc là, il y a comme, toi, dans ton installation, Anne-Marie Proulx, à Astrix, il y a comme t'as comme fait une forêt avec tes photographies. Est-ce que je me trompe? Ouais. non, c'est... Ben, j'avais envie de recréer, ou d'évoquer plutôt, le rapport qu'on peut avoir dans la forêt, puis en coupant des bandes verticales de mes photographies, ça reflétait le rapport à la verticalité qui se passe en forêt aussi, où on n'a plus l'horizon, on est face à des arbres qui sont à la verticale. Donc, j'avais envie d'explorer cette façon-là de placer mes images dans l'espace pour qu'on les contourne, qu'on passe entre elles comme on passe entre des arbres. Puis le rapport à la matérialité de l'œuvre est différent aussi, là, de les présenter comme ça, suspendues dans l'espace. Oui, ben c'est des photos qui sont imprimées sur Canva. C'était pour refléter aussi la matière de la tente qui, dans le fond, le personnage principal, si on peut dire, de, de l'exposition. Puis la tente de prospecteurs qui est sur, dans les campements à Pacouachipi, ben c'est en canevas. Donc, le fait que les photos soient imprimées sur cette matière-là, c'était aussi pour faire référence à ça. Puis, effectivement, en les mettant dans l'espace plutôt que contre un mur, la matérialité devenait plus importante dans ce cas-là. Bien, il reste encore quelques jours là, pour aller voir cette belle expo à Birmingham. Donc, ceux qui veulent sauter dans un avion et se rendre à Birmingham, c'est présenté à Strix jusqu'au 20 décembre. Bien, merci beaucoup de vous être déplacée en studio, Caroline Gagné et Anne-Marie Proulx, pour venir nous parler de Shore. J'avais oublié de dire le titre de l'exposition, Shore. On n'en a pas parlé, bien, on en reparlera à un autre moment. Et nous, on va partir pour une pause musicale et retour, on parle de ce qui se passe dans le monde des arts visuels à Québec cette semaine. Re-bienvenue pour ces dernières minutes de l'Aérospatial Magazine sur les arts visuels à Québec. Donc, cette semaine à Québec, dans le monde des arts visuels, justement, vous pouvez assister au vernissage de... c'est le finissage de résidence de Jean-François Côté à la Chambre Blanche. Ça se déroule le 12 décembre à 17h. On a également le vernissage de l'exposition « La vitesse de l'ombre » de Maxime Bureau chez Critérium le 13 décembre à 17h. Il y a le finissage de l'exposition Contingence d'Anne-Marie Ouellette et Morgane Duchesne-Ramsay au lieu. Il y a également une discussion, le finissage c'est le 13 décembre à 19h et la discussion c'est le 14 décembre à midi. Tricot Mathieu à Saint-Raymond, ça va se dérouler le 14 décembre à 14h sur le perron de l'église Saint-Raymond. Puis il y a également le vernissage de l'exposition du temps des fêtes, ornements à Sion, entre parenthèses, à la Galerie Lewis à Limoilou. C'est le 14 décembre à 16h, le vernissage. C'est également la dernière semaine pour voir jusqu'au 12 décembre, donc demain, l'exposition Revanche de Sylvie Lorrain à la maison Tessier dit La Plante. Samedi, c'est déjà la dernière journée pour voir ici le jardin de Noël à qui on a parlé, Noël Wharton Ayer, à qui on a parlé en début d'émission au Théâtre Labordé. Donc, c'est jusqu'au 14 décembre. Vous avez également jusqu'à dimanche pour voir l'exposition Exploration de l'impression 3D à la maison Amel Bruno. Il y a également la fin de l'exposition des corps en migration de Martin Beauregard à la Galerie des arts visuels. Puis, finalement, vous avez au milieu des bureaux empilés de Anouk Verviers qui se termine le 15 décembre à Regard. Également à Regard, l'exposition Index de Sarah Chouinard-Poirier. Puis, dans quelques instants, c'est l'émission Situation critique avec Pierre Blais. Pierre Blais, bonsoir. Hey, bonsoir. Ça va bien? Oui. Oh, OK. Mais, pas avec le contenu de notre émission ce soir, mais j'invite les gens à nous écouter parce que dans cette période d'allégresse, de joie, de l'approche des fêtes, n'est-ce pas, on devrait se réjouir. Pourtant, à peu près tous nos films sont un peu déprimants ce soir. On va parler d'une secte, en fait, d'enfants embrigadés dans une secte. On ben, va parler c'est joyeux, de deux frères qui s'en vont répandre les cendres de leur père, ils sont en deuil, et surtout d'un film extraordinaire qui n'est pas sorti en salle à Québec, mais dont tout le monde parle parce qu'il est sur Netflix et dont il faut absolument parler parce que c'est Marriage Story. Oui. Une histoire de mariage avec Adam Driver et Scarlett Johansson durant deux heures, un couple qui divorce puis qui s'obstine puis qui se chicane. Ben joyeux, ça nous rappelle le temps des fêtes, ben oui. Mais pour moi, c'est un film extraordinaire, on va vous en parler tantôt. Pas. Tu l'as vu, Pierre? Ah oui. Ouais? Oui, vraiment, là, c'est un top 3 de l'année pour moi. J'ai entendu des très belles critiques aussi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que les vous en pensez. Les deux comédiens sont formidables, les dialogues, les scènes, c'est et on manque de pleurer à plusieurs reprises. Ouais. J'ai vu plusieurs critiques à 4 étoiles, c'est assez rare que ça monte en haut de 3 étoiles. Ah, moi, je suis pas loin de 5. Ah ouais, oh, ouais. Tant que ça, waouh. Wow. Ouais. Bon, on a mais hâte d'entendre. C'est pas une comédie. Bon, d'accord. On va garder ça en tête, mais on a hâte d'entendre ça. Merci d'avoir été des nôtres pour l'aérospatiale. On se retrouve pour une dernière avant les fêtes, une dernière animée, en fait, parce que pendant le temps des fêtes, vous allez avoir une belle sélection musicale de Simon Roy. Puis, on vous remercie encore d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine. L'émission est disponible en balado-diffusion. Le jeudi 12 décembre, la Maison de la littérature accueille la conteuse Arline Thibault et son spectacle Le Vœu, un spectacle touchant qui a beaucoup voyagé. Arline Thibault s'attaque au folklore du voisinage dans ce spectacle où elle raconte le récit d'une communauté de locataires qui se laisse surprendre par la possibilité d'exaucer un seul vœu pour tous. Madame Fizette, qui avait le don de redémarrer les vieux frigos, le bonhomme Quentin et tous les autres vous attendent pour ce moment hors du temps. Le jeudi 12 décembre, à la Maison de la littérature. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre carte Abonne Clap pour profiter d'une année cinématographique exceptionnelle. Consultez leclap.com.